Les médias de divers pays ont rapporté la nouvelle des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Ce sont la radio Sputnik, l'homepage internet Klassovaya Boriva de Russie, l'agence de presse Chine Nouvelle, la télévision satellitaire Finist en Hong Kong de Chine, les réseaux Information et Chine, l'UPI et le site web d'internet Google News des États-Unis, l'agence de presse japonaise Kyodo, l'homepage internet du Comité national d'études de kimilsonisme kimjongisme du Nigéria, du Comité national d'études des études du Congo démocratique et du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections, ont fait part que le maréchal Kim Jong-un a inspecté la ferme numéro 1116 relevant de l'unité 810 de l'armée populaire de Corée. L'homepage internet de la filiale polonaise de l'association d'amitié avec la Corée a inséré la nouvelle de sa direction des exercices de lancement de la fusée balistique des unités d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée. Les médias ont présenté les photos du maréchal.